Pour cette dernière, avant-dernière édition du Undead Incorporated Show Réanimation, version 2014, bien sûr, je vous ai concocté une programmation des plus ennuyantes. Ennuyante pour ceux qui n'ont pas de goût et qui n'aiment pas le métal, bien entendu. Parce que pour les autres, elle sera encore bien pire. Et si par hasard, vous êtes amateur de métal et que cette programmation est pire encore que pire pour vous, eh bien, voici quatre mots pour vous. Horace, le super bon petit singe, je vous dis ceci, turn off the radio, parce que vous n'avez encore moins de goût que ceux qui n'en ont pas du tout. N'est-ce pas, Horace? Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui dit n'importe quoi. Surtout lorsque ce n'importe quoi devient la réalité de cette émission et que cette dernière vous semblera être le pire cauchemar possible. Soit parce que vous aurez fermé la radio, ou soit parce que vous l'aurez laissé ouverte, la ligne qui sépare la folie de l'équilibre est mince. Et cette ligne, c'est moi. Go!

Bloody rot. sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Fou de contraste. Jeudi le 11 décembre à 20h, le Nord-Ouest Café accueille Dance Story Dance, qui revient tout juste d'une tournée en Europe. Ce groupe a connu une forte montée en popularité suite à leur concert en première partie de Metallica en 2011 sur les plaines d'Abraham. 18$ à la porte. Ne manquez pas Dance Story Dance au Nord-Ouest Café ce jeudi 11 décembre. Le Nord-Ouest Café, 1441 Notre-Dame, Centre-Ville, Trois-Rivières. Dans une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas Rock de Neurones les lundis 20h. Fou d'exploration. C'est fou. Je ne vous souhaite pas les bienvenus en cette nouvelle édition de réanimation en ce 9 décembre de l'an des disgrâces 2014, avant-dernière émission de l'année 2014. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagne métalliquement et ce jusqu'à 21h. Oui, encore passablement de choses ce soir. Chronique cinéma et même je dois dire une des découvertes en ce qui me concerne de l'année, petite chronique musicale aussi qui qu'est-ce que c'est que ce truc qui se tiendra dans quelques instants, mais avant on vient d'entendre avant cette pause publicitaire la formation The Gates, pièce tirée de leur dernier album paru très récemment, War with Reality, soit The Book of Sand, The Abomination. Sous étiquette Century Media, juste auparavant, quelque chose qui a bien longtemps que je n'ai pas fait tourner ici à Réanimation, il s'agit de Sepultura, formation qui existe toujours, bien entendu, mais non pas dans sa forme originale, bien sûr, puisque il y a déjà un bon moment que notre ami Mascavalera a quitté la formation. D'ailleurs, il l'a quitté avec cet album Roots, qui est paru en 96 sur Roadrunner. Nous avions bien sûr la pièce d'ouverture Roots, Bloody Roots, une pièce que je trouve encore, ma foi, très bonne, je dois dire. L'album est bien aussi, pour n'étant pas un fan invétéré de Sepultura. Je dois dire que c'est un des albums qui me plaît encore dans son ensemble, que je n'écoute pas très souvent, mais la pièce Rose, Bloody Rose, je trouve qu'elle a encore un bel impact. Juste auparavant, les Allemands de Creator et la pièce Death to the World qu'on retrouve sur Phantom Antichrist, paru en 2012 sur Nuclear Blast. Destruction et la pièce Legacy of the Past, c'est paru sur Spiritual Genocide, paru en 2012 sur Nuclear Blast également. Nous avions ouvert avec, ce que je qualifie d'être un classique du métal, soit Anthrax et la pièce Death Rider. Pièce d'ouverture de l'album Full of Metal, leur premier album complet studio en 1984 sur Megaforce. J'ai une présentation pour vous dans quelques instants qui est une... En fait, j'ai reçu... Je reçois beaucoup de promotions par... Par la poste, oui, parce que la poste, ça existe encore, oui, effectivement. Principalement de mon ami Asher, distribution de John Asher. C'est une formation qui vient du Canada, de Barrie, Ontario, qui existe depuis 2011. Donc, c'est une jeune formation qui en est à la première parution de son premier album complet studio, une formation qui donne dans l'expérimental extreme metal, je dirais peut-être plus dans un black death metal, en fait death metal black and death, petites influences black. C'est une formation qui porte le nom de Idol of Fear. Comme je l'ai dit, c'est la première parution complète studio de cette formation. C'est un album indépendant. C'est paru le 18 novembre dernier. C'est un album qui comporte 8 pièces que j'ai, ma foi, bien apprécié, je dois dire, que j'ai découvert avec intérêt. Bon, écoutez, ça fracasse pas tout, mais est-ce qu'il y a beaucoup de groupes maintenant qui fracassent vraiment tout? Peut-être. Beaucoup moins qu'avant, bien sûr. Il y a une certaine part d'originalité dans cette formation-là, dans cet album-là, pour le moins, qui, je trouve, qui se démarque surtout au niveau d'une certaine ambiance, puis qui se démarque aussi d'une certaine façon de la masse, si on veut. C'est une bonne production, en plus. Présentation qui est un peu ordinaire, selon moi, par contre, je dois dire. Présentation graphique, bien entendu. C'est plus ou moins invitant, je dois... Mais en fait, j'avouerais que si on devait toujours se fier à ce que l'emballage d'une chose est, il y aura peut-être beaucoup moins de consommation qu'il y en a présentement. Et je dois dire que Idol of Fear aurait eu intérêt peut-être à aller faire un peu plus de recherche au niveau graphique. Mais bon, mais ça c'est une opinion personnelle, j'en conviens. Il reste que le contenu est tout à fait intéressant. Je lui ai donné une cote de 7 sur 10, qui est tout à fait honorable aussi. Et je vous propose d'aller en écouter 3 pièces qui sont respectivement les 3 premières pièces d'ouverture de cet album, qui sont dans l'ordre Vanquish, Morningstar et Circle of Vortices. Donc, sans plus attendre, voici Idol Fear. Go. Hey, this is Austin from Idol of Fear. You're listening to All Sights Affixed Ablaze on Reanimation with Dr. P. 89.1 FM. Oh! sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Fou de contraste. C'est fou 89.1. Je voudrais vous remercier de m'avoir supporté. Grâce à vous, j'ai pu soulever la coupe et y boire de nombreuses fois. Puis là, ben, je peux me retirer un vrai gagnant. Juste ici, c'est là, chez nous. Faites un choix triomphal avec l'Opération Nez Rouge qui remet vos dons au sport et à la jeunesse. Si vous avez les facultés affaiblies, appelez un ami, un taxi ou le 1-866-Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Le temps d'une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Du lundi au jeudi, Assemblage Requis vous sert un petit déjeuner complet. Au menu, des chroniques nutritives faites maison, des segments fraîchement préparés par nos chefs chroniqueurs et de la musique savoureuse. Deux pelletés de contenu pour commencer la journée la tête bien remplie. Est-ce qu'on peut faire moins d'analogies de déjeuner? Je te promets rien. Assemblage Requis avec Mathieu Plante et Stéphanie Paradis. Du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Fou de trouvailles. C'est fou, 89.1. h 52, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show, et ce jusqu'à 21h avec mon humble et charmante compagnie Dr. Pain Pendragon. On vient d'entendre trois pièces et trois pièces d'ouverture de ce premier album complet de la formation canadienne Idols of Fear, formation qui vient de Ontario. En fait, plus précisément, je vais vous dire de Barrie, Ontario. On vient d'entendre la pièce Circle of Vortices. C'était précédé de Morning Star et de Vanquish. Comme je l'ai dit en préambule, c'est une formation qui m'a intéressé. J'ai trouvé que c'était qu'il y avait une dose d'originalité appréciable, que c'était quelque chose de tout à fait correct. Donc, moi, je vous le recommande, cet album. J'ai accordé une note de 7 sur 10 et je crois qu'il le mérite amplement. Musicalement parlant, toujours... j'ai découvert quelque chose d'autre. Il s'agit d'une formation qui vient de Slovénie, effectivement. En fait, un pays auquel je n'aurais pas pensé de retrouver du métal. Mais bon, est-ce que c'est un stéréotype? Je ne sais pas. Mais bref, j'ai été très surpris de découvrir cette formation. Noctiferia, qui en sont quand même à leur cinquième album complet studio, qui vient de paraître il y a très, très peu de temps, soit le 5 décembre. C'est en fait, si je ne m'abuse, c'est vendredi dernier. Il s'agit d'une formation qui donne dans un métal... Il y a beaucoup de qualificatifs. En fait, on retrouve du symphonique, du death, de l'industriel, du blacken, c'est du groove aussi, beaucoup de groove par moment. Ça fait un mélange qui qui peut sembler avoir plusieurs ingrédients, mais ils sont tous très homogènes, je dois dire. Cet album, je l'ai bien, bien aimé et je vous en reparlerai la semaine prochaine parce que je vous le présenterai. Il s'agit de Noctiferia, l'album Pax, qui sortie de façon indépendante. D'ailleurs, allez sur le site de réanimation AD.com, allez dans la section musique. Vous allez pouvoir autant entendre ce que Noctifaria fait que ce que je viens de vous présenter, soit Idol of Fear. Donc, allez simplement sur le petit lien qui est marqué, qui est en fait inscrit à côté de la pochette de l'album. Écoutez ici, vous allez vous rendre sur un site qui va vous faire découvrir la formation en question. Je vais vous parler de cinéma tout à l'heure parce que ça risque d'être un petit peu long et je ne voudrais pas couper ce très bon mot de musical parce que ce qui s'en vient, c'est un bloc assez long de 32 minutes et je dirais presquement 33 minutes, pardon. C'est un bloc qui est consacré à deviner quoi? Deviner. Aucune idée? Death Metal. Bolt Thrower, Seventh Offensive, go!

every corner of our eyes. For the best bloody notions of swarming flies. Disease, spirit twisted inside. everything to us in the end. Always wave on the outside, smiling in the face of despair. What does this human constraint take place? Sign a strange rapping for me. Burning weight, answers bring red skin. Crimson light falls from within. Welcoming, releasing blood. Rivers deep to the desperate sea. Flow! Your choice is made. Or not reversed. Persistence in the face of nothingness. Courage to endure despair. Survive, revenge, redress. Floods of blood, wash nothing clean. Begin within, on the path to redeem. Looking back out of the league of past. Something gets unchanged. So much time ahead. So much that can't be done. Speaking words in unknown tongues. Presaging of a genocide. Make your building up inside. Something has to give. Vanquish your fear, nowhere to hide. Become the master to live. I choose to talk while live. Never more to be strong and sound. Before no one can hear. Let's fight for

Samedi, le 13 décembre, 21h30, votre café-bar Le Zénob reçoit le trio Jonathan Turgeon. Avec en première partie, le Kite Trio. 5$ à la porte. Pour une soirée jazz moderne, soyez au Zénob ce samedi 13 décembre. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Débat, enquête, entrevue. Pour tout savoir sur les enjeux étudiants, ne manquez pas les coups des franches avec Yann Bellemare et Jean-François Chapdelaine. Tous les lundis, 13h. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classique. Rock Classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Pour le meilleur du métal progressif et obscur, ne ratez surtout pas Progression Chaotique, tous les mardis de 21h à 23h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 18h. En rediffusion, les samedis à 20h. Merveilleux. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 96. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Il ne reste que 30 minutes. Avant cette pause publicitaire, on eut ce long bloc de 32 minutes 44 secondes consacré principalement et évidemment au death metal. On a entendu en fin de bloc Blood Red Throne et la pièce Trapped Terrified Death que l'on retrouve sur la dernière parution Brutalitarian Regime qui est paru en 2011 sur Sered Records. Nous avions Aborted de cette formation belge et la pièce Cenobites tirée du plus récent d'un Necrotic Manifesto paru cette année sur Century Media. Cette formation de Birmingham en Angleterre qui existe depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui. Formation de death metal, bien entendu. Et cette pièce Suicide Rebellion que l'on retrouve sur Organized Chaos. Organized Chaos, c'est l'avant-dernier album paru en 2001. Qui, en fait, il y aurait eu quand même 7 ans entre le Organized Chaos et le dernier album 2008, Killing Music. Bon. Plus ou moins productif, puisque en fait, depuis 89, il y a très exactement cet album. Bon, bref. On a eu Bloodbath, une pièce qui est tirée de la plus récente parution de Bloodbath, un album qui est paru très récemment, soit Grand Morbid Funeral. On avait la pièce titre. Moi, j'ai bien aimé cet album, bien entendu. Quoique, comme je l'ai dit, lors de la présentation, qui était, si je ne m'abuse, la semaine dernière ou il y a deux semaines, il n'y a plus Mark Akerfeld au vocal, bien sûr. Cannibal Corpse, tiré du plus récent, bien sûr, A Skeletal Domain, soit la pièce The Murderous Pact, c'est paru sur Metal Blade, et nous avons ouvert avec Ball Thrower et la pièce Seventh Offensive, que l'on retrouve sur Honor Valor Pride, qui est paru en 2001 sur Metal Blade également. Côté cinéma, ben, j'ai vu des trucs qui étaient fort intéressants. Ben, en fait, je vais commencer par le début. J'ai vu des trucs ennuyants, des trucs bons et quelque chose d'excellent. Je vais commencer par... Habituellement, je respecte pas mal cet ordre-là. Je vais y aller avec ce que j'ai moins aimé. Et c'est un film de science-fiction qui porte le titre de The Giver, qui est un film de Philip Noyce qui met en vedette Jeff Bridges, Meryl Streep. Meryl Streep, il me semble qu'il y a des siècles qu'on l'a pas vu au cinéma. Moi, j'ai pas tellement aimé. En fait, ça raconte l'histoire dans un futur lointain. Les émotions ont été éradiquées et supprimant toute forme de traces d'histoire. Seul, entre guillemets, The Giver, ont la lourde tâche de se souvenir du passé en cas de nécessité, blablabla, patati patata. Et bon, j'imagine que chacune des nouvelles générations demande à quelqu'un de devenir ce fameux giver, ce donneur, si on veut. Ben, c'est très ennuyant. C'est vraiment très ennuyant. En fait, j'ai trouvé que le film était tellement long en arrivant à quelque chose que je me suis pratiquement endormi dessus, ce qui est pas très bon, ce qui est pas vraiment bon signe. J'ai aimé l'aspect, par contre, je dois dire, l'aspect graphique de la chose, c'est qu'on présente le film majoritairement en noir et blanc avec quelques simples petites touches de couleur, ça et là, qui font très, sont très contrastantes. Au niveau, je dirais, pictural de l'histoire, c'était quand même bien pensé, mais ça mérite un 3,5 sur 10, et encore, je suis généreux. Autre chose, par contre, cette fois-ci, j'ai bien apprécié. Il s'agit d'un film québécois. C'est une comédie. Comédie à caractère quelque peu dramatique, et qui est un film de Ricardo Troggi. En fait, c'est le deuxième volet de sa propre histoire, qui porte simplement le titre de 1987, parce que le premier était 1981. Ça se passe évidemment en 87, et c'est la fin de l'adolescence de Ricardo, parce que, en fait, il faut comprendre que dans le premier et dans celui-ci, c'est vraiment son enfance qu'il explique selon sa vision des choses, selon ses souvenirs, bien entendu, versus son école, ses amis, ses parents, bien sûr, et tout ce qui va avec. Et celui-ci, 87, eh bien, j'ai bien rigolé, je dois le dire. Ce que j'aime avec cette approche de Troggi, parce qu'il a fait quand même plusieurs films, là, comme Horloge biologique, Québec-Montréal, et ainsi de suite, c'est qu'il y a une approche cinématographique qui est très peu conventionnelle, mais qui, contrairement, parce que je suis pas un grand fan de cinéma québécois, là, faut que je l'avoue, contrairement à ce qu'on nous habitue au niveau du cinéma québécois, c'est que lorsque le film est terminé, c'est amplement suffisant, là. On n'a même pas le goût de le revoir jamais, ou à peu près pas, tandis que lui, c'est agréable de redécouvrir, en fait, quelques temps plus tard, voire quelques années, ce qu'il a fait, parce que il a une conception un peu banale, mais il a compris une chose par-dessus tout, c'est que le cinéma, c'est fait pour avoir du bon temps. Et je crois qu'il l'a bien cerné. 1987, je lui donne un 7,5 sur 10, et ça le mérite encore ici amplement. Mais par contre, je veux vous dire que ce qui a été vraiment, vraiment, vraiment un superbe visionnement pour moi, et qui est probablement jusqu'à présent, je crois, le film de l'année par excellence, selon mes propres goûts, bien entendu, il s'agit du film de guerre à caractère historique, Fury, qui est un film de David Ayer, qui met en vedette Brad Pitt, Shia LaBeouf et Logan Lehman, pour ne nommer que ceux-ci. C'est vraiment excellent, et ça raconte l'histoire de son surnom War Daddy, qui était en fait un sergent qui menait une comment je pourrais dire, pas une troupe, non, mais une escadrille de Sherman, de chars d'assaut. Ça se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment lorsque les Allemands ont déclaré le Total War, c'est-à-dire que c'était une conscription obligatoire, et plus que ça, pour enfin tout ce qui pouvait se tenir debout en Allemagne pour combattre l'envahisseur qui était bien sûr rendu les Alliés. Donc, c'est l'histoire de War Daddy qui, lui... a plusieurs missions qui lui sont confiées, avec toujours le même équipage à bord, soit ils sont cinq dans ce char d'assaut Sherman qui porte le nom de Fury, qui ont même peinturé son nom sur le canon. Et semble-t-il que c'est quelqu'un qui est excessivement aguerri dans le milieu des percées particulières au sein de l'ennemi, et qui réussit toujours à s'en tirer. Lui, ses équipiers en fait, les autres chars d'assaut qu'ils suivent sont, vu qu'ils font partie de son même groupe, pas toujours. Mais bon, sa mission est de percer vraiment les lignes allemandes en pleine Allemagne, d'aller libérer certaines villes pour éliminer le plus possible de nazis. Et c'est ce qu'il fait. C'est vraiment excellent. C'est vraiment très, très, très, très bien fait, très bien joué. Ça a une connotation historique qui aussi est assez, je dirais, intéressante, voire même prenante, parce qu'ils y ont tous laissé leur peau en bout de ligne. C'est un des seuls films, en fait, un des très rares films, je dois dire, qui m'a tenu en haleine du début à la fin. J'étais vraiment, là, subjugué par ce film. J'ai donné une cote très rarissime de 10 sur 10. C'est vraiment un film qui m'a marqué, que je conseille à tous ceux qui aiment les films à connotation d'action, bien sûr, parce qu'il y a énormément, mais énormément de violence par moment dans ce film. Il y a beaucoup, beaucoup d'action. Il y a évidemment beaucoup d'explosions, beaucoup de canardage, si on veut, mais c'est tellement bien interprété. Et une fois de plus, je dois dire que Brad Pitt prouve une chose. Il est de loin un des acteurs supérieurs à bien des niveaux. Et il est excessivement bien secondé par l'ensemble du casting qui l'entoure. Et je ne peux dire autre chose que c'est un des tops de films que j'ai vu. Il faut bien sûr aimer le style, parce qu'il y a une grande connotation guerre. Moi, je suis un amateur historiquement parlant de ces événements qui sont désastreux, j'en conviens. Mais ici, c'est une reconstitution et le détail, le souci du détail est vraiment incroyable, mais vraiment incroyable. En fait, je pense que c'est un film que vous devriez tous voir. Je suis pratiquement rendu, mais je suis très avancé maintenant dans la septième et saison finale de Sons of Anarchy, la saison 7, qui bien sûr est, je crois, connue de bien des amateurs de séries télévisées et au-delà, qui met en vedette entre autres Charlie Hunnam, Mark Bow Jr., qui est aussi un des producteurs du film, et Tommy Flanagan, que l'on a connu aussi il y a plusieurs années dans Braveheart aux côtés de Mel Gibson. C'est vraiment excellent. C'est une série qui traite à caractère criminel de bandes de menteurs criminalisés, de bandes criminalisées tout court. Je pense que c'est la saison qui nous amène le plus loin jusqu'à présent, qui repousse certaines limites de ce que les séries télévisées ont fait aussi jusqu'à présent. Et c'est bon. Je dois dire que c'était pas excessivement original, parce que ce contexte, ce sujet-là a été abordé à maintes reprises dans le cinéma, entre autres, mais c'est rafraîchi de bonne façon et je dois dire que on amène les personnages à un niveau qui est vraiment beaucoup plus extrême et on se doute vraiment que, oui, c'est effectivement la dernière saison, parce que pour répéter un commentaire que j'ai entendu cette semaine, ben à ce train-là, il va se ramasser tout seul avant longtemps. Donc, Sons of Anarchy, saison 7, c'est vraiment quelque chose qui est très bon. Je vous rappelle les trucs qui seront à venir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Bien, American Sniper, le 26 décembre, ça risque d'être fort intéressant. Un film que j'attends de voir, en fait, une suite, je ne le sais pas encore, mais bref, c'est un film de Hammer. C'est Woman in Black, Angel of Death. J'ai hâte de le voir, c'est le 1er janvier 2015, c'est quand même pas si loin. Le 16 janvier, c'est Escobar, Paradise Lost. C'est un film, bien sûr, qui traite de probablement de la vie de Pablo Escobar, ce grand narcotrafiquant. C'est joué par Benicio del Toro, ça risque d'être vraiment fort bon aussi. C'est des trucs qui sont à surveiller aussi. Ex Machina, un film de Grande-Bretagne, le 23 janvier, qui est un film de science-fiction, bien entendu. Là, je suis rendu beaucoup plus loin. Je suis rendu à l'aube de l'été. On parle du mois de mai. Insidious Chapter 3. Ça, je suis moins convaincu. Et le 1er juillet, ben, on va nous faire un gros canon, je présume, au grand écran, parce qu'on nous ramène Mr. Schwarzenegger avec Terminator Genesis. Et cette fois-ci, on ne parlera pas de seul un petit caméo dans l'image de synthèse avec Arnold, mais bien un Arnold qui interprète le Terminator. Bah, par curiosité, ça devrait être peut-être intéressant. Cette semaine, le film que je vous recommande de découvrir ou de revoir est un film de 1964. C'est un film de science-fiction. En fait, c'est un film de science-fiction à caractère aventure, bien sûr. C'est un film de Nathan Joran. C'est First Man on the Moon. C'est vraiment... c'est un film, je dirais, très naïf. Mais en même temps, c'est le film de science-fiction qui nous fait avoir du bon temps, parce que on nous amène à une dimension qui est beaucoup plus rationnelle de ce qu'était la vision des voyages spatiaux de l'époque. Et même on les concevait comme étant futuristes. C'est très drôle par moments aussi, je dois dire, parce qu'il y a des éléments, comme je le disais, très naïfs. Mais en même temps, c'est un film qui, je crois, est encore un des bons films de science-fiction. Je lui donne toujours un 8 sur 10. Je l'ai écouté quand même assez récemment. Et je trouve qu'il a bien vieilli. Faut être amateur du genre, bien sûr. Moi, je suis un vieux nostalgique, un vieux crouton. J'ai connu même l'avènement du cinéma avant même que même on pense d'en projeter sur des grands écrans, là, je dois dire. À 666 ans, on peut dire qu'on en a vu des choses. Mais bref, je crois que ça risque d'être fort intéressant. Cette semaine, à Rock Classic ce vendredi 12 décembre dès 11h. Le Rockmaster et moi, nous ferons la présentation de la deuxième partie, le deuxième volet de cette rétrospective de 2014 Rock Classic. En fait, on s'attaquera ici au deuxième décan de l'année, soit du mois de, n'est-ce pas, je vais compter, mai, juin, juillet, août. Des spectacles aussi qui auront été marquants pour principalement lui, parce que j'en ai pas vu tellement cette année, des choses qui nous ont plu, qui nous ont peut-être même moins plu aussi. Bref, c'est toujours très intéressant de faire la rétrospective, parce que on a deux visions, le Rockmaster et moi, qui se rejoignent souvent, mais qui en même temps peuvent différer énormément, qui amènent une dimension qui peut être intéressante de différents points de vue. Donc ça, c'est cette semaine. La semaine prochaine, le mardi prochain en question, qui, si je ne m'abuse, sera le 16, effectivement. C'est la dernière émission de rock classique. Qu'est-ce que je raconte? Ça sera le 19. Le 16, ça sera la dernière émission de réanimation pour l'année 2014, parce que, comme à tous les années, je vais prendre une pause. Je prendrai une pause qui sera à côté de mardi prochain, bien sûr, le 16, et je serai de retour le 13 janvier, si je ne m'abuse. Je devrais vérifier, mais je vais spécifierai la semaine prochaine, là. Et ce sera la Retro Undead. J'aimerais bien pouvoir vous dire que Sinistros se joindra à moi, mais j'en doute fort. Par contre, pour cette première émission de 2015, pour la première émission de Retro Undead, Rockmaster sera avec moi et nous amènera ses choix en qualité de métal. Nous allons terminer cette édition de réanimation avec une note un petit peu plus, je dirais, excessive. Il y a quand même un certain temps que je n'ai pas passé ce style de métal. Et puis, je pense que pour vous réveiller comme ça, avant d'aller au lit, ouais, c'est une bonne formule, hein? Ça conclurait très bien cette émission. On va aller faire un tour du côté du grind et du gore metal, avec trois formations qui sont respectivement Napalm Death, Exhumed et Brutal Throat. On va entendre encore respectivement Diktat, The Shape of Death to Come et Sugar Daddy. Non, pas celle-là de Patsy Galant, par contre. N'ayez pas de faux joie. Ce n'est pas Patsy Galant, c'est bien Brutal Throat. Et je vous invite à être présent la semaine prochaine, parce que j'y serai pour cette dernière émission de 2014. Et n'oubliez pas Rock Classic. Et n'oubliez pas aussi, n'oubliez surtout pas que Progression Chaotique débute de 21h ce soir même. C'est la continuité des émissions métal assez fou. Et sur ce, je vous dis, allez tous vous faire foutre. Oh, oh, ha, ha, go. Let's go. Yeah!